J'ai commencé dans ma piole sans rien. Je ne m'imaginais pas aller plus loin. C'est vrai que l'école, eh ben, ça me disait rien. Y'a qu'avec mon piano sur mon lit que j'étais bien. Au fil des années, la chance me sourit. Étudiant et artiste, j'ai mené une double vie. J'ai voyagé, chanté face à des publics en folie. Aujourd'hui, je tenais à vous dire merci. Yeah. Merci pour les messages, le soutien, je le dirai jamais assez. Ma famille, mes amis, mon public, ma team, mon Dieu, merci. Merci, merci, je vous le dirai à vie. Oh, merci, merci, merci. On m'a dit de faire attention, mais je suis bien entourée, donc y'a pas de raison. Rencontre, j'ai fait de belles rencontres, des personnes qui m'ont élevée sans jamais rien compter. Je fais tout avec le cœur, donc je pense avoir mérité. Puis je n'ai pas à avoir peur, je fais ce que j'aime, au moins j'aurai essayé. Merci, merci, merci, je vous le dirai à vie. Merci, merci, merci. J'aimerais rajouter quelques petites choses, quelques petits mots, faire un peu ma poète, le temps d'une chanson. J'aimerais remercier les personnes qui m'ont aidée, qui m'ont beaucoup aidée, qui ont cru en moi plus que moi je le croyais. Et pour tout ça, j'aimerais remercier maman, papa, mes sœurs et mon petit frère. Merci pour votre patience, je sais que ça n'a pas été facile pour vous. Merci aussi à Issam, mon bras droit, l'homme qui n'a jamais compté et qui s'est battu pour m'offrir le meilleur, toujours. Merci à Dawala de m'avoir donné ma chance, merci. Merci à mes potes, mes rencontres, mes amis, tous ceux qui se reconnaîtront. J'en ai pas des tonnes, hein, mais je sais que le projet vous l'attendez de pied ferme. Il est là, manque plus qu'il soit à fond dans vos voitures. Sans oublier le cœur du papillon, mon public. Votre dévouement durant toutes ces années a été inépuisable. Franchement, merci de m'avoir soutenu moralement, en m'écrivant, en venant me voir partout en France. Merci de vous être déplacé, merci de me faire sourire et merci de me faire vivre mes rêves. Merci, je vous aime tous. Signé Lindream.